des larmes dans ma tête. Le vent balaye mes idées. La foudre annonce une tempête. Mais pas question de s'abriter. Ça fait longtemps qu'il faisait sec. Que je rêvais d'humilité. D'eau, de torrent d'air de folie. Histoire de me désaltérer. Survolté d'électricité, de dynamique, de statique, rafale et courant m'ont flirté. Comme un baiser féerique, les nuages entament un tango avec hurricane, sirocco et son orchestre en courant d'air au son unique donc éphémère. L'orage siffle un vent de fête, les éclairs des champs de guerriers. La pluie fend la monotonie comme un trottoir éclaboussé. Les gamins sautent dans les flacos. C'est bien pour ça qu'ils ont des pieds et des mains noyant leur bateau dans des flots d'immortalité. Dans des flots d'immortalité. Guerriers nomades, par à l'assaut d'autres régions. Les larmes ont déserté ma tête, chassées par un soleil de plomb qui règnera ici et là jusqu'à la prochaine dépression. L'orage siffle avant la fête, les éclairs des champs de guerriers. La pluie fend la monotonie comme un trottoir éclaboussé. Les gamins sautent dans les flagons. C'est bien pour ça qu'ils ont des pieds et des mains